À tous ceux qui, en plus de se demander « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», se demandent ce qu'il y a dans leur assiette et d'où ça vient et si ça respecte l'environnement. Et à tous ceux qui en ont marre de passer plus de temps à lire les emballages qu'à déguster ce qu'il y a dedans. Désormais, l'application Intermarché vous permet de répondre facilement à toutes vos questions en sélectionnant les produits selon vos préférences, que ce soit en termes de nutrition, d'origine ou d'impact environnemental. Alors une dernière petite question, qu'attendez-vous pour la télécharger ? Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec, dans les rôles principaux, Jean-Pierre Moreux, Marie-Christine Le Thor, Florence Lecor, Nicolas Struve, Frédéric Ruchot. Septième épisode. Un jour, à Paimpol, Gaude apprit que la Marie venait d'arriver. Ayant brusqué la fin de son ouvrage, elle se mit en route plutôt que de coutume. Et dans le chemin, comme elle se hâtait, elle le reconnut de loin, Yann, qui venait à l'encontre d'elle. Mon Dieu, qu'il est grand. Faites que je ne fléchisse pas. Il est déjà tout près. 20 pas à peine. Je peux voir briller ses cheveux. Oh, mes cheveux à moi. Pourquoi faut-il qu'il y ait tant de vent ? Je dois être affreuse à voir. Il m'a vue. Reste droite, Gaude. Tête haute. Mais quoi ? Va-t-il faire demi-tour ? Est-ce donc que je lui fais peur ? C'est elle. Elle. De la tête aux pieds. Ne la regarde pas, Yann Gauss. Marche tout droit. Ses yeux. Oh, ses yeux. Je vais devenir toute rouge. Bonjour, mademoiselle Gaude. Bonjour, monsieur Yann. Va, ne te retourne pas. Regarde la mer. C'est donc tout ? Bonjour. Et je n'ai plus qu'à retourner m'enterrer avec la vieille assise dans son coin, qui va encore pleurer à sa manière. Comme un petit enfant abandonné. Ah, ma bonne Gaude, pour un peu, tu m'aurais trouvée avec le fils Garros. Alors, nous avons parlé de mon pauvre petit, tu penses bien. Ils sont arrivés ce matin de l'Islande, et dès ce midi, il était déjà là. Pauvre garçon, il avait les larmes aux yeux. Qu'est-ce donc qui lui a pris de passer si vite ? J'avais tant de choses à lui dire. Il est venu, et il ne viendra plus à présent. Pourquoi fait-il si sombre ici ? C'est un tombeau, mon Dieu. Je voudrais mourir. Je suis morte. Les journées grises passèrent après les journées grises. La grand-mère devenait difficile. Sa pauvre tête s'en allait. Elle se fâchait pour un rien et me lançait des méchancetés. Pauvre vieille. Elle chantait aussi. Des choses qui lui revenaient en tête, des Oremus, ou bien des couplets très vilains qu'elle avait entendus jadis sur le port. Il lui arrivait d'entonner les fillettes de Paimpol, et de s'arrêter tout court. ses yeux s'ouvraient grands dans le vague. Et après, elle baissait la tête en laissant pendre la mâchoire à la manière des morts. Elle n'était plus bien propre non plus, et sa mémoire lui jouait des tours. Sylvestre ? Sylvestre ? Non, non, je ne connais pas ça. Dame, j'en ai eu tant quand j'étais jeune. Des garçons, des filles, je ne sais plus quoi. Oh, mon petit, mon tout petit, si tu savais, il fabriquait des petites choses avec ses doigts. Il me les apportait ou bien allait les déposer dans la chapelle. Oh, ces veillées d'hiver! Travailler ayant froid, travailler pour gagner sa vie, coudre menu, achever les ouvrages rapportés de Paimpol. Tu ne me dis rien, ma fille ? Dans mon temps à moi, j'en ai pourtant connu de ton âge qui savaient causer. Me semble que nous n'aurions pas l'air si tristes, là, toutes les deux, si tu voulais causer un peu. Rien de vivant, rien de jeune ici, rien. Rien que le vent de la mer. Il hurle comme les fantômes. Réveille-toi donc, grand-mère, ne vois-tu pas que j'ai peur? Qui peut me protéger contre la visite des morts? Pas toi, la vieille. Qui a parlé ? Tu es déjà presque des leurs. Oh, fille de Camaret, où est ton pucelage ? L'autre jour, dans un bateau, je l'ai laissé tomber à l'eau. Il nage... Non, grand-mère, non. Certains dimanches, des bandes de jeunes hommes qui revenaient gaiement de Paimpol passaient dans le chemin. Gaud tendait l'oreille à leurs chansons et à leurs cris, cherchant à démêler la voix de Yann. C'est mal de la part de Yann. Venez une vie joyeuse, si près de la mort de Sylvestre. Décidément, il n'y a rien à comprendre chez ce garçon. Il n'a pas de cœur. Le fait est que depuis son retour, la vie de Yann était bien dissipée. D'abord, il y avait eu la tournée d'octobre dans le sud. Il s'était repris d'amour dans l'île de Ré pour une maîtresse du précédent automne. Ensuite, à Bordeaux, il avait retrouvé la chanteuse à la montre et s'était laissé adorer pendant 8 nouveaux jours. Revenu en Bretagne en novembre, il avait assisté à plusieurs mariages de ses amis, comme garçon d'honneur, tout le temps dans ses beaux habits et souvent ivre après minuit. Chaque semaine, c'était une aventure nouvelle que les filles s'empressaient de raconter à Gaude. 3 ou 4 fois, elle l'avait vu de loin venir en face d'elle, sur ce chemin de Ploubalanec, toujours à temps pour l'éviter. De toute façon, lui aussi prenait à travers la lande. Il se fuyait comme 2 personnes qui ne s'aiment pas. À Paimpol, il y a une grosse femme appelée Madame Tressoleur qui tient un cabaret où des capitaines et des armateurs viennent enrôler des matelots. Autrefois belle, encore galante, elle a un air de cantinière. Un jour de janvier, Gaude, ayant été mandée pour lui faire une robe, vint travailler là, dans une chambre située derrière la salle aux buveurs. Eh bien sûr qu'elle sera parée, la Léopoldine, puisque je vous dis, moi, qu'elle a pris équipage hier, tous ceux de l'ancienne Marie, 5 jeunes qui sont venus s'engager là, devant moi, à cette table, signée avec ma plume. Et des bels hommes, hein, je vous jure, Lomec, Caroff, Yvon Duff, le fils Kérès de Tréguier et le grand Gaos de Port-Zévennes, qui en vaut bien 3. La Léopoldine. Il aurait au moins pu repartir sur la Marie. Mais non. Il faut donc qu'il aime le changement pour vouloir partir sur cette Léopoldine. Allons. J'ai bien tort de me mettre Martel en tête. Cela ne me regarde plus. Qu'est-ce que cela peut bien me faire, qu'il soit ici ou ailleurs, sur un navire ou sur un autre? Tout ça m'est bien égal. Il n'y a plus rien entre nous, puisque même il oublie Sylvestre. Il faut que je me détache de lui, de toutes les choses qui ont trait à son existence. Même oublier ses noms d'Islande ou de Léopoldine. Il faut me dire que c'est fini. Fini à jamais. Même toi, pauvre vieille, tu as besoin de moi, mais tu ne tarderas pas à mourir. Et alors, après, à quoi bon vivre et travailler? Pourquoi faire? Écoutez les gouttières du toit, leurs grelots de poupées et le vent méchant. S'effarer jusqu'au vertige devant le vide de la vie qui m'attend, la vie qui m'évite. Des semaines sombres avaient passé et on était déjà au premier jour de février. Yann sortait de chez l'armateur, venant de toucher sa part de pêche du dernier été. L'année avait été bonne et il s'en retournait content. Il vit un rassemblement au bord de la route. Une vieille folle gesticulait avec son bâton et autour d'elle des gamins riaient. « Bande de vauriens! Qu'avait tué mon chat ?» Elle est saoule, la vieille! Vous avez pas honte? Grand-mère Moine! Oh, s'il était là, mon pauvre garçon, vous n'oseriez pas! Oh, c'est moi, grand-mère, Yann Gauss. Ils ont des guerpies. Ils m'ont fait tomber, sale engeance! Des gamins d'ici, je les connais. Ils ont dit que j'étais saoule. J'aurais bien le droit, moi aussi, avec tous mes malheurs. Et de quel malheur parlez-vous donc? Prenez mon bras. Grand-mère? Mon Dieu, le matou! Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Yann? C'est les enfants de l'école, n'est-ce pas? Il y avait longtemps qu'il lui en voulait à ce pauvre matou, parce qu'il avait la figure noire, un air de diable. Mais c'était un bon chat quand même, je vous assure. Oh, je vous crois, mademoiselle Gaude. Ils l'ont tué avec des cailloux! Assassin! Avec son œil qui pend, on dirait bien un lapin mort à présent. Mauvaise graine! Sale jeunesse! Ah ben c'est-il possible que des enfants soient déjà si méchants? Quelle tristesse! Et je pense à Sylvestre, au chagrin horrible qu'il aurait eu si on lui avait prédit que sa bonne grand-mère finirait ainsi, en dérision et en misère. C'est vrai qu'elle n'a pas bonne allure, mais c'est qu'elle sera tombée pour être si sale. Et puis, sa robe n'est plus bien neuve, mais je l'ai encore accommodée hier. Mais je vois comme vous êtes simple et bonne. Elle est belle. Mon Dieu. Jolie, elle l'a toujours été, mais elle l'est encore davantage depuis son deuil et sa pauvreté. Elle a à présent la tenue d'une fille de pêcheur. Sa robe noire est sans ornement et sa coiffe toute unie. Son air de demoiselle, elle l'a gardé. C'est comme qui dirait quelque chose de caché en elle. Malgré elle, dont on ne peut plus lui faire reproche, Certes, son corsage est plus chic, mieux ajusté que celui des autres, plus bouleversant. Il ne dit rien. Mais il a bien l'air de nous accompagner jusque chez nous. Béni soit ce chat. Mon Dieu, je ne devrais pas penser ça. Je voudrais marcher toujours ainsi, dans la douceur du soir. Va-t-il entrer? Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? J'ai l'impression qu'il passe en revue notre pauvreté. Peut-être au moins éprouve-t-il pour moi un peu de bonne pitié en me voyant redescendu à cette misère de granit et de chaume. Mais c'est mon lit qu'il regarde, mon beau lit blanc de demoiselle. Il ne dit rien. Pourquoi ne s'en va-t-il pas? Est-ce qu'on va rester longtemps ainsi l'un devant l'autre sans rien dire? Good. Si vous voulez toujours... Vous m'avez parlé? La pêche s'est bien vendue cette année et j'ai un peu d'argent devant moi. Oui? Nous pourrions faire notre mariage. Mademoiselle Good. Si vous vouliez toujours... Eh bien, Gaude, répondons. Voyez-vous, monsieur Yann, il faut l'excuser. Asseyez-vous et prenez un verre de cidre. Elle va réfléchir et vous répondre tout à l'heure. Il est bon. Il a du cœur. Il m'accepte aujourd'hui que je suis pauvre. Il m'avait dédaigné pour une raison que j'ignore. Je ne veux pas y songer, non plus qu'à lui reprocher mon chagrin. Good, vous pleurez. Oh oui, je pleure. Allons, Dieu vous bénisse, mes enfants. Et moi, je suis contente d'être devenue si vieille pour avoir vu ça avant de mourir. Embrassez-vous, au moins. Oh, mon Dieu, les drôles de petits-enfants que j'ai là, par exemple. Allons, Gaude, dis-lui donc quelque chose, ma fille. De mon temps à moi, me semble qu'on s'embrassait quand on s'était promis. Yann ôta son chapeau comme saisi d'un grand respect avant de se pencher pour embrasser Gaude. Et il lui sembla que c'était le premier vrai baiser qu'il eût jamais donné de sa vie. Elle aussi l'embrassa, appuyant de tout son cœur ses lèvres fraîches sur cette joue dorée. Le petit portrait de Sylvestre avait l'air de sourire du milieu de sa couronne noire. Tout paraissait s'être vivifié et rajeuni dans la chaumière morte. Le silence s'était rempli de musiques inouïes. Le crépuscule d'hiver qui entrait par la lucarne était devenu comme une lueur enchantée. Alors, c'est au retour d'Islande que vous allez faire ça, mes enfants. Islande? En se dépêchant bien, on aura le temps de se marier avant. Réunir les papiers, publier les bans, cela ne mène jamais qu'au 25 du mois pour les noces. Alors, on aura donc encore une grande semaine à rester ensemble. C'était « Pêcheur d'Islande » de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec Jean-Pierre Moreux, le narrateur, Marie-Christine Le Thor, la narratrice, Florence Lecor, Gaude, Nicolas Struve, Yann, Frédéric Ruchot, grand-mère Yvonne. Et les voix de Bernard Petit, Marie-Bénédicte Roy, Françoise-Henri Kummer, Gaël Zax, Hugo Mayer, Guillaume Clessen, Martin Kubisch, Anthony Roulier, Benjamin Kérotret. Musique, Arvo Part, Guy Ropartz. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Nadège Antonini. Réalisation,